Panétius est un philosophe grec du IIe siècle avant notre ère. Le pancrace est un sport voisin du catch moderne, mélange de lutte et de boxe. Je lisis le second des trois livres du philosophe Panétius sur les devoirs, ouvrage remarquable que Marcus Cicéron a imité avec tant d'ardeur et de peine. Entre autres pensées pleines d'utilité, je distinguais celle-ci que chacun devrait graver dans sa mémoire. Les hommes, qui sont continuellement au mieux des affaires et qui veulent être utiles à eux-mêmes et aux leurs, mènent une vie agitée par les embarras et presque journellement menacée par des périls inattendus. Pour les prévoir et les éviter, il faut toujours veiller, toujours être attentif, comme les athlètes dans le combat du pancrace. Appelés à la lutte, les athlètes se dressent, les bras tendus devant eux. Ils se font comme un rempart de leurs mains pour garantir leur visage et leur tête. Tous leurs membres, avant le commencement du combat, sont également prêts à parer et à porter des coups. De même, l'âme du sage, toujours préparée à la violence et aux attaques injustes qui la menacent en tout lieu et en tout temps, doit être toujours en garde, prête au combat, sur la défensive, inébranlable, toujours armée. La vigilance ne doit pas s'endormir, l'œil se fermer un seul instant. Mais il faut opposer toute sa prudence, toute son intelligence aux coups de la fortune et aux embûches des méchants. Mettre, comme l'athlète, ses bras et ses mains devant sa tête, de peur que l'adversité ne vienne fondre sur nous à l'improviste et ne nous attaque, nous trouvant désarmés, sans défense.